Ouais. Ouais, accro de fils, acte des traces, bande d'autistes. Des espèces de mecs qui suent trop comme des kystes. Retourne leur veste, prends rien même pour une geste. Qui se croit le best, mais reste pas quand tu passes ton best, gars. Trop de gens se disaient tes amis, mais sont des amels. En fait, t'aimes la cisanie avec la zouzou, l'oseille. Allez tous sucer ma, je crache sur votre cou et votre clic. Bande de, mais barrez-vous quand on rapplique. Tellement des, vous auriez pu postuler pour la police. Mais quand je vois comment tu lui, t'aurais pu t'aider à le concours d'entrée. Pendant que d'autres s'en balanceraient ou resteraient discrets. Moi, je suis pas Dawson, je lâche pas le somme, j'assomme, mais jamais en fou. Pour les reflets, pour les reflets. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais, tous les mecs au frais. C'est pour les rois qui sont toujours là. Pour les refrais, pour les refrais. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais, tous les mecs au frais. C'est pour les rois qui sont toujours là. Pour les refrais, pour les refrais. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais, tous les mecs au frais. C'est pour les rois qui sont toujours là. Pour les refrais. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais. Allez gazer, gazer, allez gazer, gazer. Vous m'avez garotté quelques biches de mon passé. Yes. Qui au micro, qui quitte mes shows. C'est ton ex-ro à qui tu l'as mis dans le dos. Il faut pas de cinéma, c'est pas que tu sais si je m'y mets. Mais bon, j'imagine pas que tu viendrais mettre ta demeure. Maintenant, je sais qui sont les vrais ro. Moi, je vais se les calagan. Qui sont les faux. C'est pour les sales mais qui te serre la main tout en disant salut man seulement. T'es qu'une salope mec et tu finiras tout seul au monde. C'est ça la merde quand tout s'élimine. Je rêve que je t'élimine. Et tes limites tu peux te les mettre au cul. Viens un mec te dira hack, c'est pas calculé. Tous ces menteurs, manipulateurs, tous ces enculés qui jouent les shows m'en fait plus la sueur. T'inquiète, j'ai aucun regret ma gueule. A la fin c'est toi qui te sentiras seul. Je trace ma route ouais, évite les obstacles. Mais qu'est-ce que ça coûte ouais. Si tu te manges un tac. Maintenant P.O.I.S. protège les fesses. Fais confiance en personne, y'a trop le PD dans le jet. Ils ont une là. Pour les refrais, pour les refrais. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais. Tous les mecs au frais. C'est pour les rois qui sont toujours là. Pour les refrais, pour les refrais. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais, tous les mecs au frais. C'est pour les rois qui sont toujours là. Pour les refrais, pour les refrais. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais, tous les mecs au frais. C'est pour les rois qui sont toujours là. Pour les refrais, pour les refrais. Pour les vrais potos, pour les gangsters. C'est pour tous les mecs au frais, tous les mecs au frais.